sur la transversale avec Kevin Laramée, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale avec moi-même, Kevin Laramée, sur les ondes du Sports Podcasting Network et live sur Facebook, live en direct sur Facebook, sur la page Sur la transversale, facebook.com/ Sur la transversale. Quelle victoire samedi de l'Impact de Montréal contre le Real Salt Lake au Stade Saputo, presque rempli à craquer, au-dessus de 19 000 personnes présentes au stade ce samedi, et c'était tout un party, toute une fête, la fête à Nacho Piatti et surtout Anthony Jackson Hamel. Quelle victoire, quelle performance, un départ pour Anthony Jackson, un but, deux passes, mais surtout une excellente entrevue d'après-match que vous allez entendre en entier dans quelques minutes, suivant les commentaires de Mauro Biello, aussi Nacho Piatti, Samuel Piette et Michael Salazar. J'ai eu la chance de parler à Michael après le match aussi. C'était intéressant ce qu'il avait à dire sur son rôle qui est un peu différent aujourd'hui, lors du match de samedi. Mais l'impact contre le Real Salt Lake, 3-1, deux buts Nacho Piatti. Blérim Dimali a tout fait pour marquer, mais n'a pas réussi à quelques chances de marquer, quelques tirs au but qui ont été malheureusement soit bloqués, soit hors cible de quelques centimètres. Blérim va retrouver le fond du filet très bientôt, j'en suis convaincu. Mais si on regarde l'impact, Nacho Piatti, le joueur de l'heure dans la Major League Soccer, 6 buts en 4 matchs. Depuis son retour du match des étoiles, est tout feu, tout flamme. Nacho est réussi à tirer son épingle du jeu, même avec 2, 3, 4, 20 joueurs sur les épaules, réussi à marquer. C'est pas sur le premier effort, c'est sur le deuxième, c'est sur le troisième. Et on a souvent reproché à Nacho de garder le ballon un petit peu trop longtemps, de faire 1, 2, 3, 4, 20 fêtes de trop. Présentement, c'est pas le cas. On dirait qu'il a trouvé l'instinct du tueur. Dès qu'il y a une opportunité, met le ballon sur la cible et il marque plus souvent qu'autrement. Lors de son but, premier but, c'est exactement ce qui est arrivé. Première opportunité a été bloquée, il s'est retrouvé un petit peu plus loin, il s'est retrouvé avec la passe, avec le ballon dans la boîte et a terminé. Et ce fut l'extase au Stade Saputo. Mais le but qui m'a le plus impressionné, c'est le premier but. Je parlais du deuxième de Nacho. Le premier but de Nacho, c'était avec la création d'Anthony Jackson Hamel, qui a dos au jeu. Un petit peu sur la droite, passé la mi-terrain. Anthony Jackson se retrouve avec le ballon dos au filet, dos au dernier tiers adverse, et lance Blérim Dimali, qui est maintenant en 2-1 avec Nacho Piatti contre le défenseur du Real Salt Lake. Et le centre bas croisé de Blérim Dimali, enroulé, qui a contourné le défenseur, tombé pour Nacho Piatti. Nacho Piatti qui a terminé rien que Rimando, le gardien de Real Salt Lake, pouvait faire. Et c'était 1-0 Montréal. Montréal a même créé le but de Real Salt Lake avec un revirement en mi-terrain. Mais c'était une autre belle performance entière de l'Impact. 4 victoires de suite. L'Impact grimpe au classement. Présentement, égalité en 5e position, mais Columbus maintient leur emprise sur la 5e position à cause de leur nombre de victoires. Mais l'Impact se retrouve 6e. Oui, Atlanta a 2 matchs en main. Il se retrouve 7e. Mais quand même, Columbus pourrait continuer leur descente au classement. Et c'est la même chose pour les Red Bulls, s'ils ne font pas attention. Les Taureaux du New Jersey se retrouvent en situation précaire, seulement 2 points en avance sur l'Impact et le Crew en 5e et 6e position au classement. Allons écouter les commentaires d'après-match de Mauro Biello, suivi de Anthony Jackson Hamel, le joueur du match, selon moi. Nacho Piatti aussi, 2 buts, pourrait être égalité avec le joueur du match, mais le bombardier de Limoilou, pour moi, est le joueur du match. Départ avec un but, deux passes, présent dans l'action, non seulement dans la finition. C'était quelque chose qu'on pouvait ne plus espérer de mieux. Comment on dit ça? On ne pouvait l'espérer mieux, exactement. Samuel Piette aussi après Nacho et Michael Salazar. Mais tout débute avec l'entraîneur Mauro Biello. Coach, la dernière dernière fois que l'Impact a aligné 4 victoires consécutives, c'est à l'époque du Volcan Suisse, il y a 4 ans. Qu'est-ce que ça fait de voir ton équipe rebondir comme ça après avoir touché le fond à New York il y a 3 semaines? Ah ouais, ça fait du bien, ça c'est sûr. Je pense que bravo, crédit à les joueurs. Je pense que ce soir, on a fait 5 changements dans l'alignement et on n'a pas baissé le rythme. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir pour une staff, pour des entraîneurs. Et à la fin, bravo aux joueurs pour avoir cette intensité, cette mentalité de continuer sur cette séquence. Je pense que, comme j'ai dit, après chaque conférence de presse ou à chaque conférence de presse, Nacho est phénoménal. Je pense que ses qualités, tu le vois comment il est capable de déséquilibrer, de compter des buts, d'attirer l'attention. C'est un excellent joueur. Il est dans un bon point dans sa carrière et il se sent bien. Il veut gagner, il a dit. Et à la fin, il est en train de performer dans toutes ses capacités. Est-ce que tu crois qu'il va peut-être rebondir en arrière, chip on the shoulder? Oh, écoute, pour moi, Nacho, il joue bien. Je pense que quand l'équipe a beaucoup de rythme, tu vas voir Nacho qui va sortir toutes ses qualités. Parce que quand les autres joueurs autour de Nacho sont capables de le libérer, de le donner le ballon, et quand il est dans ces situations, ça, tu vas avoir toutes ses qualités, et c'est ça qu'on est en train de voir avec lui maintenant. Il y a 2 semaines, Moreau, on se parlait de Jackson Hamel ici même, et tu parlais de l'époque où tu entrais sur le terrain en tant que remplaçant. Sa performance de ce soir, est-ce qu'elle te convainc qu'il est prêt à être un attaquant partant chez l'Impact de Montréal? Oui, je pense que Jackson, il joue bien, il fait son travail. Encore une fois, il a travaillé très fort, il a créé des buts, bravo pour lui, il a compté un excellent but. Et maintenant, j'ai un attaquant qui est capable de compter du banc, de commencer des matchs, alors ça donne beaucoup d'options et beaucoup de profondeur. Et comme je l'ai choisi aujourd'hui, comme partant, il nous a aidé à gagner ce match avec sa performance. Alors à la fin, il faut que j'équilibre tout. Je continue à pousser tous les joueurs et pour aider cette équipe à devenir encore plus fort. Yeah, bouncing from what Nicolas was saying on the first goal, it was like the first time we really saw like a perfect proof of the triangle, Jackson, Jamali, and Piatti. What do you like, or what do you like about that? Like, there seems to be a nice chemistry between the three guys. Is there something you like from that? Yeah, I think all the goals were nice. I think we had a lot of chances. We could have scored even more in the first half, going to goal. But there was good combination play. I thought Louis was excellent in the midfield today, along with Piet, in combining, in balancing the midfield, but relaunching the attack very well, very fluid. And when you get it into players like Zema and Nacho, you see what they're capable of doing in those spaces, and when they got time and space, they could hurt you, and that's what we saw tonight. Joey, Coach, it's 4 in a row now, 3 games in a week. You came up big in all of them. There were some tired legs there in the second half, but the guys managed to pull through. How proud are you of this group and what you've been able to accomplish over the last couple of weeks? Yeah, I'm extremely proud of the team, and credit to the players. They work hard, and I go back to this being a long season, and we had some results that didn't go our way at the beginning of the season, and we played less games, we got some injuries, we were fall off a little bit in the table, but we continue to believe all the time, and that comes from a mindset, and right now we're putting ourselves in a position now to fight for the playoffs. We've put ourselves in a position where now we could get closer to some teams that are just ahead of us, and that's credit to them and their mindset and the way they work every day. You're officially over the red line. Coach, how does it feel? Yeah, it feels good, of course. In the end, you you work hard every day to achieve success. And right now the team is in good rhythm. The team is playing well. I see the team growing. The confidence of the team right now is very good, and it sets up the stage for a big game next week against our big rivals, Toronto, who are the best team in the league. And for us now, we're going to enjoy this win. But when we get back to work, it's the same mentality that we've had in the last weeks here. Coach, ça s'est pas arrivé souvent que vous avez pu affronter le Toronto FC lorsque vous étiez sur un pic comme ça de confiance. Quel timing pour un classico ici à domicile la semaine prochaine? Déjà, j'imagine que du côté là, vous savourez cette victoire-là, mais j'imagine que vous avez déjà hâte de commencer à travailler sur ce match-là dès cette semaine. Ouais. À la fin de mon speech dans le vestiaire, j'ai dit à tout le monde on joue Toronto la semaine prochaine. c'est une bonne équipe. Je pense qu'ils sont en train de battre Chicago à Chicago. Présentement, on va jouer les meilleurs et je pense que c'est un bon moment pour nous. On veut démontrer que nous aussi, on est une bonne équipe et le défi va être là contre Toronto, une équipe qui nous a battus l'année passée. Et nous, on veut continuer sur cette séquence et battre une bonne équipe et continuer cette poussée. À quel point la défaite en championnat canadien est encore fraîche dans les mémoires de ce groupe-là? Oui, c'est frais. C'est sûr que on a passé proche l'année passée et même cette année en finale de la Coupe du Canada. Et je pense que l'intensité, la mentalité durant la semaine va être clé pour affronter cette équipe. Je pense que dans le passé, cette équipe était toujours là pour les grands moments et maintenant ça va être un autre grand moment de se lever contre une bonne équipe. Daniel, jusqu'à quel point le but que vous avez fait pour faire 2-1, 3 ou 4 minutes après que eux aient fait 1-1, c'est un point tournant dans le match. Puis jusqu'à quel point tu attribues ça à l'espèce de confiance renouvelée que vous avez depuis 4 matchs? Ouais, je pense qu'au niveau de l'attaque, on sait qu'on a certaine fluidité quand on regagne le ballon. Alors, le fait qu'on a pris le but, oui, c'était décevant parce que c'était le premier tir qu'ils ont eu et c'est rentré, mais quand même, ça a démontré du caractère. Avant qu'on compte notre premier but, je pense qu'on avait 3 ou 4 bonnes occasions. Alors, il y avait beaucoup d'ouverture, on a mis la bonne pression, on a regagné beaucoup de ballons très haut et on est reparti des fois 2 contre 2, 3 contre 2 contre leur défenseur. Je pense que les joueurs étaient confiants qu'il va y avoir des chances, même s'ils ont compté, ils étaient capables d'égaliser. Je pense que les joueurs ont senti qu'il va y avoir plus de chances de compter dans ce match. Et maintenant, Anthony Jackson Hamel. Bonjour. Jackson, il est situé où ton niveau de confiance présentement en témoignage? Je ne le trouve pas. Je cherche, non. Mais on pourrait, sérieusement, ma confiance est inébranlable en ce moment. J'ai rien d'autre à plus à dire. Tu parlais après le match, bon, tu étais content de faire des passes décisives parce que tu voulais, c'était marquer les buts quand même. Avoir cette arme-là dans ton jeu, c'est tout de même pas négligeable. Oui, c'est sûr que aussi c'est une bonne course de. La première, c'est une bonne course de Blérim. Donc, je remets le ballon derrière. C'est bon de pouvoir faire ça aussi, d'aider l'équipe dans la construction. Donc, ouais, c'est super. Mais à la fin, moi, je suis là pour marquer des buts. Donc, c'est ça que j'aime faire aussi, plus que des passes. Donc, je me focus plus sur ça. Tu l'as dit toujours que tu veux être partant, que tu es là pour avoir le rôle de l'attaquant partant. Je pense que tu as prouvé ton point ce soir. Ouais, pas juste ce soir. Si tu regardes aussi les départs que j'avais eu avant, j'ai marqué sur mon départ contre Vancouver, celui contre Columbus. Donc, ça fait 3 buts en tant que titulaire. Je pense que c'est pas juste en tant que remplaçant que je peux marquer. Donc, je te l'ai prouvé ce soir. Après ton premier but, là, on t'a vu essayer de compter combien de buts tu avais. J'imagine que tu as perdu le compte à un moment donné. Est-ce que tu aimerais ça en parler peut-être avec les membres du staff technique éventuellement? Ah non, je pense que tout le monde le sait déjà. Donc, maintenant, c'est aussi au staff de prendre leur décision. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, comme je vous dis toujours. Je vais jouer pour marquer, puis c'est mon seul objectif. Comment les gars comme Nacho, ça t'aide à faire ton travail? Comment c'est plus facile de jouer avec Ah, c'est au niveau technique, au niveau tactique, c'est des joueurs qui sont très forts. C'est sûr que ça m'aide beaucoup de jouer avec des gars comme ça, qui savent bien lire le jeu. Après ça, on est tous ensemble, tous dans l'équipe, on va tous vers la même direction. C'est l'objectif, c'est les séries. Tu as eu deux passes aujourd'hui, l'idée de commencer le match la semaine prochaine contre Toronto, elle doit être implantée dans ta tête? Oui, c'est sûr. Moi, j'ai dans ma tête, je vais commencer tous les matchs. Il n'y a aucun doute. Donc, c'est pour ça que je travaille. Je ne travaille pas pour être remplaçant. Donc, c'est ça. Une passe de Louis pour ton but. Est-ce que c'est un petit peu spécial, un but créé 100% à l'Académie? Oui, ça fait du bien. On s'était parlé avant le match un peu où mettre le ballon. Puis c'était justement dans ces zones-là. Donc, ça fait du bien d'être capable de le faire sur le terrain, de compléter aussi. Maintenant, ça reste à continuer à travailler puis le reproduire encore. Sens-tu que vous êtes en train d'envoyer un message assez clair et net à travers la Ligue avec 4 matchs comme ça, 4 victoires de suite? Je pense que oui, 4 victoires de suite. Les 3 dernières, on marque 3 buts à chaque match. C'est gros ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il faut continuer dans cette direction-là, puis pas arrêter, puis on va jusqu'au bout. Bon, ça mue sur le terrain, c'est du travail plus du fun, les deux combinés ensemble, ça donne un esprit d'équipe qui est immense en ce moment. L'atmosphère est super bon, puis faut juste continuer dans cette direction. Nacho Piatti. Avec 2 buts à ton compteur, tu sens y prendre goût. Tu nous parlais du match d'aujourd'hui un petit peu? Oui. On est content parce que l'équipe, ça fait 4 matchs qu'on a gagné. Et aussi, il y a 3-4 changements dans l'alignement qu'ils ont dit que toute l'équipe, tout le groupe, on était bien. Et c'est bon pour continuer comme ça. Maintenant, il y a 2 jours de repos, mais après, on va penser à Toronto. Mauro a dit que justement, après le meeting là, dans le vestiaire, il a immédiatement mentionné Toronto. Tout le monde a applaudi. Vous avez hâte de les affronter, cette équipe-là? Oui, on est prêt pour ce match. On sait que c'est un match de play-off aussi. Et nous, maintenant, il faut continuer de la même manière que maintenant. On a changé la tête, on fait 4 victoires consécutives et c'est bon pour nous. Tu sembles être dans probablement ta plus grande forme de la saison présentement. Est-ce qu'il y a un élément motivateur supplémentaire dans ta tête pour jouer comme ça? Non, je fais mon travail dans le terrain. Je l'ai dit mercredi, je fais mon travail. Et après, c'est pas moi qui décide. Moi, je suis content ici, mais... Ma vie continue. Si c'est ici, c'est bien, et sinon, c'est un autre club. Je suis bien ici. Les gens apprécient beaucoup ta nouvelle célébration, Topo Gigio. Est-ce que tu vas comment continuer à la faire au cours de la saison? Oui, c'est ma fille qui regarde ça et c'est bon. Ça, c'est pour ma fille. Ça, c'est pour ma fille qui regarde les. Comment on dit, animés? Si. C'est animé. Tu as presque eu un tour de chapeau aujourd'hui. Est-ce que tu pensais que tu étais en jeu quand tu avais marqué le but et ils l'ont enlevé? Oui, je pensais. Je pensais que tu étais hors jeu et c'est bon, c'est pas fini. Merci, Nacho. Samuel Piet. Tu es arrivé ici à un moment où cette équipe-là est en train de renaître de ses cendres. Comment vois-tu cette équipe-là, si tu la compares aux autres équipes de la Ligue présentement au niveau de la confiance et au niveau du talent? La confiance dans le tapis, c'est sûr. Je veux dire, moi, je suis arrivé, on a gagné 4 matchs de suite. Donc, j'ai participé, mais là, je suis arrivé ici, 4 matchs de 4 tours. J'ai envie de demander mieux la chimie. Au maximum ici, je veux dire, tout le monde s'en va très bien. On ne peut pas être de plus de bonne humeur en ce moment. Donc, de demander mieux. À quel point tu as hâte Classico là, la semaine prochaine? Pardon? Classico contre Toronto la semaine prochaine, excellent timing. À quel point tu as hâte à ce match-là en tant que Québécois? Ben, j'ai hâte, c'est sûr. Je sais que c'est le gros Classico, notre gros rival en fait. La première fois comme Toronto, j'ai hâte d'avoir ça va être cool l'ambiance. J'ai déjà eu un avant-goût ici avec 19-20 000 aux 2 derniers matchs. Mais ça va être un match spécial pour moi, c'est sûr. C'était 1-1, Samuel. Ils ont marqué, vous avez été capable de marquer tout de suite après. Jusqu'à quel point ça a été un tournant dans le match? Puis jusqu'à quel point ça illustre que vous avez de la confiance? Ouais, c'était important de répondre immédiatement au but qu'on a accordé. Tu vois, c'est un but qui a été créé par nous-mêmes. C'est nous qui avons fait l'erreur. C'est pour nous qui avons créé le jeu. Donc, on n'a pas alloué beaucoup de chance à eux aujourd'hui, je crois. Ça, c'est bon signe, mais il faut faire attention à des petits détails. Mais comme tu as dit, le fait qu'on a marqué tout de suite après, ça a été bon pour nous. Puis on a un peu plus de liberté un peu dans le jeu et d'être plus confortable. Qu'est-ce que tu vois au niveau offensif de Bertrand Blérin, Nacho? Comment est-ce que tu vois pour ces gars-là? C'est dur à dire des mauvais trucs. Là. Nacho qui contribue toujours avec les buts, là, je ne sais pas quand il va arrêter. Blérin qui assiste toutes les buts, qui se met toujours entre les lignes. Donc c'est facile pour moi qui est un peu plus en retrait de les trouver. Puis de laisser jouer, de laisser leur liberté. C'est facile de jouer avec des gars comme ça. Là. Louis nous disait avant le match que ça allait peut-être être un peu plus difficile au début de la rencontre pour toi et lui de communiquer sur le terrain parce que vous n'aviez pas vraiment beaucoup joué ensemble. Ça a été comment la communication et le jeu avec lui? Très bien. Louis, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a mis très longtemps. C'est comme tu as dit, c'était juste une adaptation un peu à faire sur le terrain étant donné qu'on n'avait jamais joué ensemble. Mais je vous dis, c'était sûr, comme, ça allait être comme ça avec tous les joueurs aussi étant donné que je viens d'arriver. Mais Louis, on aura souvent, ça va être très Merci, Sam. Merci beaucoup, Sam. I'm with Michael Salazar. Michael, tonight you had a little bit of different type of role, and we saw you distribute, create, and even almost finish as well at the end. How would you describe your role tonight? I mean, you know, I'm a two-way player. You know, I play an offensive end, and I play a defensive end. You know, I try to bring a lot of energy to the team. You know, coach wanted me to, you know, play that role, and I did well. When you're looking at your performance as well tonight, it was, like you mentioned, box-to-box type of performance. You almost had that goal. Did you think it was going to get in, or did you think that player was going to get to it? When you were on the grass looking at it bounce toward the line, what did you think? You know, I wanted it to go in, and I feel like I worked so hard to get at least one. You know, but unfortunately, it didn't go in. But, you know, the most important thing, you know, we got the team win, and, you know, we're moving up the table. On a few instances tonight, we saw you at full speed, which we rarely see because sometimes you're on top, you don't have that space. But we saw you running at full clip, and I think Dominic Gaudreau has to be afraid of his record because, well, seemed to be almost faster than him tonight. I'm the young guy. You know, I got to catch up to the old guy now. So, you know, when I get my chance to play, you know, I try to do everything I can. And, you know, I saw the play developing, so I just put my head down and just make the fastest run I could. Thank you, Michael. Thank you. Pour revenir sur les commentaires de Michael Salazar, pour commencer, je demandais à Michael que son rôle était un peu différent ce soir, de nous expliquer, ben ce soir, samedi, de nous expliquer un peu la définition de son rôle, un peu ce que Moreau voulait de Michael. Donc, plus en création, plus en mouvement, possession de ballon, de boîte, d'avoir un jeu de boîte en boîte. De surface en surface, d'être capable de récupérer les ballons, de faire bouger, de créer des opportunités, de libérer un Blérim, un Nacho. Et Michael a bien joué là-dessus. Deuxièmement, je parle à Michael, tu as travaillé fort durant le match et tu as eu quelques occasions, dont une à la fin du match, que le ballon s'en allait dans un but non gardé par un gardien de but, dans un but désert, mais un défenseur à la course a stoppé le ballon avant son entrée dans le but et a privé Michael d'un but. Donc Michael dit « Oui, je pensais avoir travaillé assez fort et je pensais mériter au moins un but ce soir. J'étais sûr qu'il allait traverser la ligne, mais ce n'était pas dû. » Et pour finir, j'ai demandé à Michael aussi « Michael, ce soir, on t'a vu courir à pleine vitesse pour une des rares fois. Souvent, tu vas être en avant, en attaquant ou avec un rôle plus avancé, donc tu n'as pas l'espace de pouvoir exploiter ta vitesse maximale. Et samedi soir, tu l'as fait à quelques occasions. Est-ce que Dominique Duro devrait être un peu nerveux d'être le joueur le plus rapide de l'Impact? Et Michael a dit oui, et justement, la jeunesse, c'est moi, et je dois pousser les vétérans. Et ma vitesse peut me servir des fois lorsque je suis en position pour l'utiliser. Tout ça, pince sans rire. Donc merci à Mauro Biello, Anthony Jackson-Hamel, Samuel Piet, Nacho Piatti et Michael Salazar pour leurs commentaires d'après-match. Prochain match pour l'Impact de Montréal, c'est dimanche prochain au Stade Saputo contre le Toronto FC. Donc la troupe de Mauro Biello se frottera à la meilleure équipe de la Ligue ce dimanche, leur grand rival, Toronto FC, présentement premier dans la Ligue, dans la course au bouclier des supporters. Si tu l'as comme nom, le Supporter Shield, en tout cas. Mais non, c'est pas beau un bouclier, c'était juste moi là. Mais une assiette ou un bouclier comme trophée, c'est-tu pas beau? Ça fait-tu pas trophée? Ça fait deuxième position pour moi. C'est genre le trophée qu'on donne au deuxième au tennis. C'est lui qui perd la finale. Mais le Shield, il ressemble à ça pour moi. Puis je trouve le trophée de la MLS Cup beaucoup plus attrayant, mais ça, c'est juste moi. Pour finir, Toronto est à 50 points. Première position dans l'Est. Première position au classement général de la Ligue aussi. Domine. Et si c'est juste 4 points d'avance en passant sur Toronto, sur New York, en deuxième position dans l'Est, New York City FC. Et Patrick Vieira, l'entraîneur de New York City FC, a mentionné hier sur les réseaux sociaux et journalistes de MLSsoccer.com qu'il concédait le Supporter Shield à Toronto. Toronto y va pour le treble, le triplé, cette année, en ayant gagné le championnat canadien, la Coupe des voyageurs, en ayant gagné sûrement, si ça continue comme ça, le bouclier des supporters. Et pour finir, il voudrait gagner la MLS Cup aussi. Donc Toronto y va pour le triplé, présentement premier au classement général. L'Impact se retrouve sixième en égalité au cinquième rang avec 36 points, deux matchs en main sur Columbus, mais malheureusement, deux matchs de plus de jouer qu'Atlanta. Atlanta, septième au classement, se retrouve avec deux matchs en main sur l'Impact, mais quatre sur Columbus. Columbus pourrait être en difficulté et malheureusement glisser en dehors des séries, mais aussi New York. Les Red Bulls de New York, suffit de quelques résultats mal placés, pourraient se retrouver en deçà des séries aussi, seulement à 38 points pour les Red Bulls en quatrième position dans la conférence de l'Est. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, un commercial Kevin Laramé, sur Facebook, facebook.com/sur-la-transversale et sur Twitter, un commercial Off the Woodworks. Vous pouvez trouver la version balado-diffusion de l'émission sur iTunes, Google Play Store, tous les endroits où ce que vous trouvez vos balado-diffusions sur la transversale devraient y être. Et si elle n'y est pas, mentionnez-moi-le, dites-moi-le, et je vais rectifier la situation. Encore une fois, jusqu'à la prochaine fois, mon nom est Kevin Laramie et je vous souhaite bon soccer.